Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle saison des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine sur Fadjet la radio. Aujourd'hui, nous abordons un problème que peu de gens connaissent. En psychiatrie, plus de la moitié des hospitalisations peuvent être retardées ou refusées par les patients eux-mêmes, faute de solutions pour faire garder leurs animaux domestiques. D'autres sont même contraints d'abandonner leurs animaux de compagnie. Pour discuter de cette problématique, nous recevons Claire Varusfel et Anne-Sophie Gall, respectivement présidente et chef de projet de l'association Liens Animaux Patients. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être là. Alors comme je disais en introduction, en psychiatrie, plus de la moitié des hospitalisations peuvent être retardées ou refusées par les patients eux-mêmes, faute de solutions pour faire garder leurs animaux. Votre association est née de ce constat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous répondez à ce besoin aujourd'hui ? Le LAP incarne le lien entre le patient hospitalisé et son animal de compagnie. Merci Claire. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une situation où votre action a fait une réelle différence pour le patient ? Après un appel des urgences psychiatriques où l'infirmier nous dit on a un patient. Pour l'instant, il est aux urgences. Il a besoin d'une hospitalisation, mais en fait, il refuse l'hospitalisation parce qu'il a chez lui un chat ou un chien ou un autre animal de compagnie, et en fait, c'est un frein pour cette hospitalisation. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ? Et à ce moment-là, nous recherchons des familles d'accueil ou une pension. Et puis, si on a quelque chose, on rappelle les urgences, si on leur dit « on a trouvé quelque chose », est-ce que ça fait la différence ? Et bien souvent, oui, le patient accepte l'hospitalisation du fait de la réponse et de la solution de garde pour son animal. Ok, merci pour cet éclairage. Alors, pour mieux comprendre votre démarche, revenons un peu en arrière. Déjà, comment est né Liens Animaux Patients et qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion en fait, de passer de l'idée à la création de l'association ? Alors, l'idée m'est venue en service. Ça partait d'un constat. Et j'ai été présenter le projet à ma direction qui a eu la gentillesse de me soutenir et de me dire, on y va, on se lance. Donc, j'ai écrit le projet. Au départ, j'étais toute seule. Alors, je me suis dit c'était un petit peu utopique, quoi. Et en fait, non, je me suis retrouvée avec des gens autour de moi, des soignants, des gens de différents milieux, une équipe pluridisciplinaire qui m'a suivie. Alors, au départ, en tant qu'association, parce que c'était trop difficile de créer un service, c'est trop long. Donc, une association, c'était plus facile au niveau juridique. Donc, on a créé une association avec des bénévoles. Donc moi en tant que présidente et puis des bénévoles, dont Anne-Sophie qui nous a rejoint. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ? On est pas mal dans l'association, au bureau on est 4. Mais dans l'association on est beaucoup plus, parce qu'on compte les familles d'accueil qui font partie de l'association en tant que bénévoles. D'accord. Et sur quel territoire intervenez-vous et quel public vraiment spécifique vous accompagnez ? Meurthe-et-Moselle Sud, tous les lieux en fait où l'hôpital psychiatrique agit, c'est-à-dire toute la Meurthe-et-Moselle Sud, pour l'instant. D'accord. Et quel public vous accompagnez vraiment spécifiquement ? Tous les publics. Toutes les personnes qui sont susceptibles d'être hospitalisées en psychiatrie. Quelles sont les difficultés en fait que vous avez rencontrées lors de la création de l'association ? Des difficultés, j'en ai pas vraiment, maintenant j'en ai plus de souvenirs, parce que comme c'est parti d'un besoin, en fait on a eu une écoute assez rapide des soignants, de la direction, des bénévoles. Vraiment on a été soutenus et à chaque fois qu'on a pu présenter le projet à différentes structures, on nous a dit mais oui, mais pourquoi on n'y a pas pensé ? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? Ah bon, ça n'existait pas ? Et ben non, ça n'existait pas, le CPN est le premier hôpital en France à soutenir un projet. Donc c'est vraiment la preuve qu'il y avait vraiment besoin, quoi. C'est un besoin. Mais il n'y avait aucune solution qui n'était proposée. D'accord. Merci Claire. Maintenant que nous connaissons vos débuts et votre équipe, intéressons-nous à vos missions concrètes et aux actions que vous mettez en place au quotidien pour aider les bénéficiaires. Déjà, comment fonctionnent vos services pour aider les patients hospitalisés à faire garder leurs animaux ? Alors, dans un premier temps, donc on va chercher une famille d'accueil bénévole donc qui pourra s'occuper de l'animal. Donc là, actuellement, on en compte à peu près une trentaine donc dans le secteur de la Meurthe-et-Moselle. Et si jamais on ne trouve pas de famille d'accueil bénévole qui est disponible ou qui est dans le secteur souhaité, on va passer par des pensions pour animaux, donc des pensions professionnelles, où là, effectivement, il y aura des frais qui seront mis en place. Voilà. Et Et dans ce cadre-là, donc effectivement, il y a une des limites qu'on a rencontrées quand même dans le cadre du LAP, c'était que la majorité des patients et des patientes qu'on accompagne dans le cadre de l'association sont en situation de précarité financière. Et dans ce cadre-là, en fait, l'association a dû créer un fonds de solidarité pour permettre de financer tant la garde de l'animal dans le cadre des pensions pour animaux, ou alors encore les soins vétérinaires. Voilà. Donc du coup, ça a été un peu une des parties un petit peu complexes du projet. Voilà. Quel type de situation rencontrez-vous le plus souvent ? Souvent, c'est les urgences qui nous appellent ou le 3114 pour nous dire voilà, on a besoin de vous. C'est moi qui réponds au téléphone la plupart du temps. C'est voilà, bonjour, est-ce que je suis bien au LAP ? On a besoin de vous. Alors Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles autres actions et missions vous pouvez mettre en place pour les patients ? Donc en plus de trouver des solutions de garde pour les animaux des patients hospitalisés au CPN, le LAP propose en fait de mettre à disposition une salle de visite pour tous les patients du CPN qui ont un animal de compagnie, sauf pour les patients en fait dont la garde en fait a été encadrée par le LAP. Voilà, et ça c'est vraiment pour des questions d'anonymat afin que les patients, les familles d'accueil ne se rencontrent jamais et les patients non plus entre eux. Voilà, dans l'idée donc c'est ça. Et ensuite, une des autres missions, ça va être vraiment la sensibilisation à la santé mentale, au bien-être animal et aussi notamment en fait l'importance du lien entre l'animal et la santé mentale, donc vraiment cette relation qui relie les deux. Et puis d'autres missions à venir par la suite, on garde ça pour nous pour l'instant. Merci Anne-Sophie. Parce qu'il y a aussi à dire que l'animal qui est un soutien toute l'année pour le patient qui a des soucis, des problèmes de santé mentale, devient un frein le jour où il y a une hospitalisation. Donc c'est de là que le projet est né, mais c'est vraiment là. Il faut dire que l'animal, c'est un soutien tous les jours, et nous, c'est notre rôle aussi de garder, de faire que ce lien perdure et que le patient puisse retrouver son animal quand il sort. Combien de patients vous avez déjà accompagnés depuis le début ? Alors pour l'année 2025, on en a à peu près à une petite cinquantaine. Voilà, sachant que par semaine, on en a à peu près 2-3 en moyenne, je dirais. Donc le nombre de familles d'accueil, on aimerait bien qu'il augmente encore, même si 30, c'est déjà très très bien. On est très contentes et merci à elle, vraiment. Mais voilà. Bah justement, on va y venir. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui seraient touchés par cette initiative et qui souhaiteraient aider ? Comment on peut rejoindre l'association en tant que bénévole ou famille d'accueil ? Donc l'association, on peut la rejoindre en tant que bénévole. Donc bénévole, nous on a les familles d'accueil bénévoles effectivement qui gardent des animaux de compagnie. Donc je précise bien aussi les animaux de compagnie, il n'y a pas que les chats et les chiens, il y a aussi les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie qui comprennent les rongeurs, qui comprennent les lézards, qui comprennent, voilà, la famille est grande. Ensuite, il y a aussi des missions de bénévolat qui peuvent être de la communication, qui peuvent être de l'ARH, qui peuvent être de la compta. Donc c'est divers et varié. Donc selon les profils, selon les centres d'intérêt des personnes, les savoirs, tout ça. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, on a une page Facebook, lien animaux patients, on a un Instagram, un LinkedIn. Le site internet n'est pas encore en ligne, mais on prévoit d'en créer un dans les prochains mois. Et puis également, on a une adresse mail que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux. Et donc ensuite, si vous souhaitez devenir famille d'accueil, par exemple, nous, on a mis tout un process en place en fait, de recrutement. Et donc, il y a un questionnaire en ligne, il y a tout ça qui est mis en place. Et puis après, on voit avec vous en direct. Alors moi, j'avais quelques petites questions. Déjà, est-ce qu'on peut choisir tel ou tel animal ? Est-ce que si on a une phobie des serpents, on est obligé de garder un serpent ? Bien sûr que non. Justement, dans le questionnaire qui a été mis en ligne, on pose des questions sur les souhaits de la famille d'accueil, si elle souhaite plutôt un chien, un chat, en sachant que les chiens catégorisés ne sont pas encore pris en charge par le LAP, parce que c'est une question de responsabilité juridique. Mais autrement, on pose vraiment des questions, on demande si ce sont des gens qui aiment beaucoup marcher, si ce sont des gens qui sont plutôt casaniers. Enfin, et quand il y a un petit souci de comportement, par exemple quand les bénévoles ont un chien, on a un partenaire qui s'appelle Planète Ouf, qui répond aux questions sur le comportement du chien. Et bien sûr que si l'animal ne correspond pas à la famille d'accueil, on va pas lui laisser, on va le retirer, le mettre dans une autre famille. Parce qu'une famille d'accueil perdue, pour nous, c'est terrible, quoi. Donc, on essaye toujours de mettre le bon animal au bon endroit et qui corresponde à la personne. Et puis, bien sûr, les gens ont le droit de partir en vacances. Donc, on essaye toujours. Mais il y a une solidarité entre eux. On a un groupe WhatsApp et on s'est aperçu qu'il y avait une solidarité entre eux. Oui, c'est une vraie communauté. Ah oui, quoi. C'est une vraie communauté, oui. Ouais. Et est-ce que ça pose problème si on a déjà des animaux à la maison ? Normalement, non. Il faut que l'animal qui va être gardé soit compatible, c'est-à-dire qu'il ait tous ses vaccins. Et puis, quand on pose des questions aussi aux patients, moi, je demande toujours, en plus du questionnaire qui est fait sur est-ce qu'il est OK pour les chiens, les chats, les enfants, je demande toujours une petite lettre qui est un petit peu plus personnalisée, où je demande aux patients de nous parler de son animal, comme s'il allait confier à une amie. Voilà, je te confie mon animal en vacances, donc je te parle de lui, mais pas sous forme de questions, combien de fois par jour il mange et qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment quelque chose de plus intime, et ce qui permet à la famille d'accueil de mieux connaître l'animal aussi. Et ça peut être aussi du ponctuel, est bénévole, c'est pas obligé d'à chaque fois répondre présent pour accueillir un animal. C'est ça. En fait, dans les familles d'accueil, on compte également des personnes qui se proposent en tant que pet-sitter, donc qui vont venir au domicile du patient ou de la patiente et qui, du coup, vont venir voir le chat. Par exemple, les chats, on évite de trop les déplacer parce que, pareil, ça, on l'a pas précisé, un temps d'hospitalisation d'une personne en moyenne au CPN, c'est une trentaine de jours. Un chat, on va éviter de le déplacer pour un mois. Voilà, chers auditeurs, vous savez comment devenir bénévole et aider concrètement. Mais pour grandir et toucher plus de patients, l'association elle a pu compter aussi sur certains soutiens. Et c'est là que France Active Lorraine est intervenue. En 2024, vous avez bénéficié d'un DLA, donc le dispositif local d'accompagnement, pour formaliser votre projet. Et cette année, en 2025, France Active Lorraine vous a soutenu en vous octroyant un prêt à taux zéro de 12 000 euros, mais aussi via la plateforme Ocoté. Vous avez lancé une campagne de financement participatif, ce qui vous a permis de récolter un peu plus de 15 000 euros quand même, notamment pour stabiliser l'association et répondre à de plus en plus de demandes. Avant de nous expliquer en quoi cela vous a aidé, juste je tiens à remercier quand même les 84 citoyens qui ont donné, c'est pas rien, sur cette cagnotte, mais aussi le département de Meurthe-et-Moselle et la Fondation Massif, car je le rappelle, le principe de côté, à chaque fois qu'un citoyen donne 1 euro, une collectivité, en l'occurrence ici le département de Meurthe-et-Moselle, et une entreprise privée, ici la Fondation Massif, ont versé chacun 1 euro. Donc voilà, maintenant qu'on a listé tous les outils que France Active Lorraine a mis à votre disposition, est-ce que vous pouvez me dire en quoi cela vous a aidé et quel impact concret ces outils ont-ils eu pour vous et vos bénéficiaires ? Alors le DLA, dans un premier temps, nous a vraiment aidé à nous structurer au niveau de l'association, au niveau du projet associatif. Pendant 6 mois, on a été suivi par une personne qui était incroyable, qui a vraiment cru en le projet, qui a compris comment fonctionnait notre côté vraiment complémentaire dans l'équipe. Parce qu'à l'époque, j'étais bénévole, maintenant je suis salarié chef de projet en temps partiel. Et ça aussi, c'était une des perspectives qui a été explorée lors du DLA. Et c'était ultra intéressant, en fait, de voir un peu jusqu'où on pouvait aller, de se projeter dans le temps et de voir toutes les possibilités qui s'amenaient à nous. Donc oui, donc ça a vraiment permis de voir la stratégie un peu du projet, comment mettre tout ça en place, comment rendre ça pérenne, parce que c'est chouette d'avoir l'idée, mais après c'est chouette aussi de la rendre durable dans le temps et de pouvoir continuer à répondre aux besoins, aux demandes quotidiennes. Et voilà, donc vraiment sur cet aspect-là, c'était super important. On est ressorti avec un gros dossier, on avait tout qui était posé sur papier, où tout était clair et dans nos esprits aussi. Donc c'était très chouette. Après, le prêt nous a également aidé notamment à effectivement pérenniser l'association, stabiliser l'association, mon embauche également. Ocoté nous a également énormément aidé, et pas qu'au niveau financier, mais aussi en termes de communication, de visibilité, de crédibilité, de légitimité. Donc sur plein d'aspects, en fait, ça nous a énormément aidé. Merci Anne-Sophie. Alors maintenant que vous avez montré comment vous répondez à un besoin concret, moi je voulais vous demander pourquoi cette problématique elle reste encore si peu connue du grand public et aussi dans toute la France. Parce que la santé mentale est encore stigmatisée. Donc même cette année 2025 qui était pour la promotion de la santé mentale, c'était une cause nationale. La santé mentale est toujours stigmatisée, donc on n'en parle pas. Et c'était une question qui n'était pas posée. En fait, quand le patient arrivait en hospitalisation, on ne lui demandait pas s'il avait un animal de compagnie, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de réponse. Donc, on n'allait pas lui demander s'il avait un animal, du fait qu'il n'y avait pas de réponse à lui apporter, s'il disait oui, j'en ai un, et j'ai personne pour le garder. Donc, c'était les gens se débrouillaient dans les services, que ceux qui avaient une sensibilité... aller faire du pet-sitting ou... Enfin, c'était du bricolage, en fait, mais ça prenait beaucoup de temps, c'était chronophage pour les soignants. Et puis, les patients demandaient à sortir contre avis médical ou refusaient l'hospitalisation. Donc là, maintenant, on a une réponse à leur apporter. Et puis oui, moi aussi, je tiens à remercier le DLA parce que moi, je suis très... j'ai toujours 30 idées à la seconde. Ça a permis de bien me... Enfin, on a essayé de bien me structurée. Et Anne-Sophie est mon binôme droit. Moi, je suis un peu plus idéaliste. Enfin, voilà, quoi. Des fois, j'ai un peu de mal à voir le côté administratif. Et j'ai toujours ça, une équipe. Voilà. On est complémentaires. Voilà, tout à fait. Et selon vous, quelles sont les prochaines étapes en fait, pour améliorer l'accès aux soins et la prise en charge des animaux, des patients hospitalisés ? Quoi, votre prochain cheval de bataille ? Déjà, la communication, la sensibilisation à la santé mentale. Et puis aussi, que le grand public se rende compte que l'animal est vraiment un lien, est vraiment un soutien pour les patients et qu'il faut en prendre soin. Et on aimerait par la suite faire une recherche pour évaluer l'impact du LAP sur l'hospitalisation, sur la durée d'hospitalisation et sur l'adhésion aux soins. Parce que ça n'a jamais été évalué, puisque ça n'avait encore jamais été fait dans un hôpital psychiatrique. Donc l'idée, c'est vraiment d'inscrire les directives anticipées. Voilà, c'est prévu qu'il y ait les directives anticipées en psychiatrie, que la question soit posée à l'accueil du patient. Dans le jour où il arrive, on lui demande s'il a un animal. Et puis après, ben voilà, il y a les directives anticipées, il y a s'étendre à d'autres lieux de soins. Il y a tellement de choses encore à faire. Tout est à faire, tout est à construire, parce qu'on n'en est qu'au début. Et puis, voilà, sensibiliser. Puis pour que cette initiative aussi puisse toucher d'autres territoires. C'est ça, tout à fait. La Meurthe-et-Moselle, je l'espère, ouais. En tout cas. On est sollicité. Bah, c'est ça, en fait, on est sollicité par la Moselle, ça, même le sud, du côté des Alpes, Lyon, tout ça, ça bouge aussi, l'Alsace. Donc là, on se dit, oui, effectivement, il y a des besoins. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle du LAP ou qu'on nous demande ce qu'on fait ou quoi, on nous dit, mais d'où ça n'existait pas avant, en fait, comment c'est possible. Et c'est vrai que la réaction est systématiquement là, même ça, c'est impressionnant quand même. Ouais. Ouais. Bon, bah en tout cas, merci Claire, merci Anne-Sophie d'avoir partagé cette belle initiative avec nous. Donc, je rappelle que l'association Liens Animaux Patients est toujours preneuse de nouveaux bénévoles et de familles d'accueil. Alors, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Chaque petit geste compte. Grâce à vous, un patient peut se faire soigner sans inquiétude pour son compagnon à quatre pattes. Et si vous avez manqué une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter en podcast, rendez-vous sur fadjet.net. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de la nouvelle saison des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. À très vite sur Radio Fadjet. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci.